Nouvelle ce matin, selon Radio X Saguenay, il y aurait une conférence de presse qui se ferait à 16h30 où on annoncerait un changement de gestionnaire chez les Saguenayens. Je vous dis tout de suite, on va faire deux blocs des Saguenayens. Dans un premier temps, comme à l'habitude, le descripteur des matchs, Sébastien Morin, va venir nous parler des deux matchs en fin de semaine. Et il va également nous parler, et dans un deuxième temps, on va parler avec Serge Aymon du Journal Le Quotidien de la nouvelle du jour. Tout d'abord, on va parler avec Sébastien Morin. Salut Sébastien! Sébastien, on va faire le tour comme on fait habituellement chez les Saguenay de Chicoutimi. Et ça c'est ça. D'abord, il y avait trois matchs cette semaine. D'abord contre les Tigres de Victoriaville mercredi dernier. Exactement, mercredi, une belle victoire. Les Saguenay qui ont tenu fort sur la route pour accumuler leur 7e victoire consécutive. Ça a été un excellent match de hockey, honnêtement, entre les deux clubs. Si ça donne d'aussi bons spectacles tout au long de la saison, ça va être très intéressant entre les Tigres et les Saguenay. Par la suite, ça s'est poursuivi vendredi, une défaite de 3-2. Contre les Cataractes de Shawinigan, le jeune Girard qui était excellent. Et le lendemain, même chose, une défaite de 3-2 des Sags, mais cette fois contre les Olympiques de Gatineau de Benoît Groulx. Ça a été une bonne semaine dans l'ensemble, peut-être des mauvais débuts de match dans les deux matchs locaux au Saint-Georges vendredi et samedi. Mais tu sais, ça fait partie du processus. Il faut apprendre chez les Sags à gérer les défaites, gérer les émotions. C'est plus normal qu'on perde quelques matchs, qu'on en gagne 7 de suite ou 8 de suite. Dans le processus, où est-ce que les Sags en sont rendus présentement. C'est une jeune équipe de hockey, il faut apprendre de ces choses-là. Et je suis bien content d'être sur la route présentement pour voir de quel bois les Sags vont réussir à se chauffer, puis de quelle façon ils vont être capables de se relever d'une série de deux défaites de suite, là, comme ça a été le cas. Mais on l'a vu le match de vendredi, parce qu'il était présenté à TVA Sports. En passant, il y a combien de matchs des Saguenayens à TVA Sports cette année, hein? À la maison au Saguenay, au Saint-Georges, il n'y en a rien qu'un pour l'instant. Okay. Je sais que celui du 11 décembre contre les Remparts de Québec au Centre Vidéotron sera aussi à TVA Sports. Et il y a ma TV qui va venir une fois ou deux d'ici la fin de la saison sans problème. Okay. Hey, je veux te parler de Samuel Girard. C'est la première fois que je le voyais jouer cette année. On l'a vu l'an dernier une couple de reprises, mais cette année, évidemment, un an au junior, ça paraît énormément. Là. Hey, j'ai rarement vu... Écoute, j'exagère-tu son sens du jeu, son coup de patin? Je le regardais jouer. J'exagère-tu en disant que je pensais avoir vu Paul Coffey? Revoir Paul Coffey? Ah, mais avec du patin, du talent, une vision de jeu exceptionnelle, c'est le meilleur défenseur offensif de la GMQ. Il a seulement 17 ans, va se faire repêcher l'été prochain. Une équipe va prendre le risque de repêcher le petit Samuel Girard, qui sera un grand joueur de hockey éventuellement. Il est trop bon pour ne pas être capable de jouer dans le calibre supérieur. Vision exceptionnelle, des mains, écoute, il fait des passes, c'est l'enfer. Il a une vitesse d'accélération, c'est superbe à voir aller. Quand il fait des tourniquettes dans les défenseurs ou les joueurs adverses dans le territoire offensif, il n'y a pas grand monde qui sont capables de garder le ballon comme ça sur la patinoire. C'est un patineur exceptionnel, c'est un joueur exceptionnel, Samuel Girard. On est chanceux d'avoir vu ça. Grandir pour les jeunes de Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens de Robert-Mont particulièrement. Maintenant, je vais avec les Cataractes de Shawinigan, il va leur donner de fiers services pour les Patrons. Bon, en fin de semaine maintenant, ou cette semaine plutôt, je pense que tu passes dans les Maritimes, c'est ça? Oui, ben on est en route présentement au Mont-Sparle. On vient de quitter Lévis, direction Moncton pour le dodo ce soir. Par la suite, demain, on va faire la suite du chemin vers Signy au Cap-Breton. Mercredi, on joue contre les Screaming Eagles. Vendredi, ce sera contre les Moussettes d'Halifax et samedi, avant de retourner à la maison, on va arrêter à Moncton pour disputer le troisième match en quatre soirs contre les Wildcats. Ça va être un gros défi pour les Sags, mais ça devrait bien aller. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense, d'être sur la route dans les circonstances. Juste en terminant, je sais que tu voulais pas parler de ça, mais il faut en parler un petit peu. Au moment où on se passe, il y a une conférence de presse à 16h30, changement de gestionnaire. Les joueurs en parlent-tu vraiment? Tu es à bord d'autobus, est-ce que les joueurs en parlent? Aucun commentaire, mon cher. OK, bon. Ben, Sébastien Morin, on se parle la semaine prochaine. Avec donc, restez là après la pause. Serge Desmondes, Journal Le Quotidien. Pour tout savoir sur les castors de Dolbeau, écoutez la chronique de l'instructeur-chef Daniel Tremblay tous les vendredis dans la section entrevue de danradiosport.com. On est de retour à danradiosport.com. On vient de parler avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs dessinés, pour parler de l'aspect hockey. Vous avez vu qu'il n'a pas voulu vraiment parler du côté de ce qui se passait, de la grosse nouvelle aujourd'hui. Mais ça fait rien. On a réuni un duo que vous avez entendu de temps à autre lorsque ça brassait chez les Saguenayens. D'abord, du Journal Le Quotidien, Serge Aymon. Salut, Serge. Et Serge Cloutier, un de nos collaborateurs qu'on appelle de temps à autre. Salut, Serge. Bonjour, Danny. Ça va bien. On va commencer par Serge Cloutier, parce que Serge, est pas vraiment surprenant ce qui s'est passé aujourd'hui. Là. Ben, surprenant, oui et non. Surprenant que ce soit arrivé aujourd'hui, oui. Puis dans le fond, pas surprenant parce qu'on sait depuis des semaines là, que ça ne va pas, mais pas du tout au point de vue financier, du côté des Saguenayens de Chicoutimi. Puis là, aujourd'hui, on annonce que d'autres personnes là, qui arrivent dans le décor, comme Marc Denis, Jean-François Abraham, Richard Letourneau, qui vont être des bénévoles. Ouais. Je dis bien bénévoles, puis mon ami Serge va sûrement entériner là-dessus, c'est qu'ils sont bénévoles pour terminer l'année. Okay. Je suis un peu sceptique, je l'avoue. Hey Serge, c'est... Pour terminer l'année, moi je trouve que pour eux autres, c'est une occasion extraordinaire de vérifier s'ils aiment ça ou non. Ouais. Puis dans six mois, ils vont pouvoir dire, bon, moi j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça, j'embarque ou je débarque. Oui, mais petit, pour eux autres, c'est parce que la seule question que je me pose dans tout ça, messieurs, c'est que est-ce qu'on ces gars-là, puis que j'admire beaucoup, puis que je connais, puis je pense qu'ils vont s'impliquer très sérieusement, est-ce que ces gars-là vont faire six mois pour qu'on retourne en soumission, pour qu'on vous dise, messieurs, merci pour le beau travail, vous nous avez aidés. Je pense que si les gars, dans six mois, vont voir le maire de Saguenay, lui disent, justement, on a aimé ça, on veut continuer, ils vont continuer. Ben, j'espère. Ça va être aussi simple que ça. Ça va être aussi simple que ça. Il n'y aura pas de soumission. Ouais, effectivement. Ben, moi, je pense que non. Je pense qu'il va y avoir une négociation. Mais à mon avis, il n'y aura pas de soumission. Mais ça, je te dis ça, c'est mon opinion bien personnelle, là. Je ne vais pas parler à personne. Mais moi, je pense que les gars, ils vont voir dans six mois s'ils aiment ça. S'ils aiment ça, ils vont aller voir le maire, ils vont dire, monsieur le maire, on aime ça. Comment est-ce qu'on peut s'arranger? Ouais. Puis deuxièmement, t'as pas tort, parce qu'ils vont aller chercher d'autres hommes d'affaires pour les appuyer. Ouais. C'est ça, ouais. Tu sais, les gars, c'est des bons jacks, là, puis c'est des hommes d'affaires solides, puis ils savent comment ça marche. Tu sais, oui, le bénévolat, la fierté, je suis d'accord avec ça. Mais pour eux autres, comme je te disais tantôt, là, c'est une période d'éducation extraordinaire qui s'en vient là, pour savoir si c'est un domaine qu'ils vont aimer, qu'ils vont vouloir. Serge Aymond, le maire de Saguenay, j'ai suivi la conférence de presse sur Twitter, tu étais avec Michael Lalancet de TV Sport, tu étais là toi, tu étais là pour évidemment sur place, et il a mentionné évidemment qu'il n'y a pas eu de tentative de renégocier la baisse. Non, mais ben, il pouvait pas parce que tu sais, t'as un contrat. Ouais. Un contrat, c'est un contrat. Puis si tu renégocies à la baisse, ben, les groupes qui l'ont pas eu vont cogner à la porte du maire et dire, hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas le même qu'on s'est entendu. Puis je le comprends aussi, tu sais, c'est normal. Sinon, il y a eu des demandes d'Alain Deschênes. Ouais. Mais d'un autre côté, la ville est attachée avec le contrat, puis elle pouvait pas, moi, comme je te dis tantôt, elle pouvait pas vraiment jouer là-dedans sans créer des problèmes, tu vois, moi. Qui va. Mais la ville, le maire a été très honnête. Le maire a dit que Alain Deschênes, il y avait un retard sur ses paiements de 229 000 $. Et là, à ce moment-là, lui, il a voulu négocier avec la ville en disant, j'arrive plus, pouvez-vous m'aider ou effacer le 229 000 ou encore qu'on refasse des conditions? Et là, le maire a dit, non, on peut pas faire ça. Maintenant, Alain Deschênes n'a pas quitté, là. Alain Deschênes, dans le fond, c'est la ville qui a dit de quitter, si j'ai bien compris. Ouais. Ben, moi, la mienne, j'ai compris ça. On quitte d'un commun accord. La ville dit, gars, on peut pas respecter tes demandes. Puis l'autre, il dit, moi, je suis plus capable de continuer. Fait ben, en bout de ligne, dans le fond, là, on se sépare. Une séparation, et le maire a été très fin, tant qu'il a dit, ou à l'amiable, puis il a dit, oh, je respecte énormément Alain Deschênes, mais on pouvait plus continuer ensemble de cette façon-là. Hey, messieurs, il y a un élément que le maire a dit que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a dit ce que le groupe de gestionnaires a offert il y a 3 ans, c'était bien trop haut, ça n'a aucun bon sens. Il a raison. T'sais, lui, quand on a parlé du processus, le maire a dit que c'est encore un bon processus. Il est encore convaincu que c'est un très bon processus. Et il dit ce que le groupe a offert, ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais il dit, on ne peut pas le refuser. Il nous le donnait. Ça donnait, je pense... Je sais pas combien de millions par année, ça. Tu te rappelles du chiffre, là. Mais ça donnait des millions par année pour 7 ans à la ville. Ouais. La ville. Ben, ils n'ont pas habité à 350 000 qu'ils devaient remettre à la ville et les autres, le groupe de Marc Denis, Gabi Carbonneau, 210 000, je pense, le deuxième, c'est ça? Non. Ils ont donné Non, c'est un groupe de Richard Martel qui était à 210 ou 217, okay. C'est ça, Jean? 217, Richard Martel, 210, l'ancien groupe de Gabi Asselin et Guy Carbonneau. Ouais. Ouais. Le groupe et de Martel, c'est lui qui est descendu. Descendait en bas de 200 avec Marc c'est Denis. Ouais. C'est ça. Il faut que tu te rappelles une chose aussi, Dani, c'est que les Saguenayens, les gestionnaires qui viennent de quitter, garantissaient 350 000 de profit annuel à la ville. Et en plus, la ville arrêtait de payer des frais qu'elle payait auparavant aux Saguenayens pour d'autres qui avaient une valeur de 200 000. Fait dans, le fond, la ville mettait 500 000 dans ses coffres avec les gestionnaires, les nouveaux gestionnaires. Ouais. C'est de l'argent ouais, à faire. C'est en plus de payer plus cher, il y avait des frais plus élevés que les anciens gestionnaires de l'équipe. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne peut pas arriver. C'est impossible. C'est impossible. Mais comment qu'on a fait ce plan d'affaires-là? Ah, ben là, il faudrait demander aux gens qui l'ont proposé, qui l'ont préparé, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ce chiffre-là. T'sais, dans le temps, moi, je me souviens, j'ai lu un vieil article tantôt où Pierre-Marc Bouchard disait on a fait nos devoirs puis on est sûr d'arriver. Eh oui. Mais je pense qu'il y a eu des rêveurs dans ça qui ont dit les Saguenayens, nous autres, aux 3000 personnes, puis aucun problème, puis on dirait qu'ils ont comme pelleté des nuages, excusez l'expression. Puis Alain Deschênes, qui est un bon monsieur, me semble que c'est un bon homme d'affaires, est embarqué là-dedans, mon ami, comme si rien n'était. Et là, soudainement, il s'est rendu compte que ça pouvait pas marcher. Ça prend pas un comptable agréé pour savoir qu'il pouvait pas arriver. Alors là, il s'est départi. C'est dans le problème Deschênes, Serge. Hein? C'est dans le problème Deschênes, je trouve. Ben, moi, c'est ça un bon monsieur. Ça me fait beaucoup de peine. Il méritait que ça fonctionne. Oui, il méritait que ça fonctionne, mais sauf que, tu sais, ils ont fait des erreurs de parcours, puis ils ont rêvé en couleur sur certaines affaires, puis là, à un moment donné, il se ramasse, puis là, il n'est plus capable d'arriver. Puis moi, j'aurais toujours le plus grand des respects pour Alain Deschênes, qui a tout fait pour aller jusqu'au bout avec les Sags. Moi, je pensais qu'à un moment donné, il lâcherait. Puis il y en a qui me disaient non, il lâchera pas, il va se rendre jusqu'au bout. Ben il restait 3 ans, 4 ans pratiquement. Puis il est obligé de lâcher. Fait que ça mais moi, il y a quelqu'un. Les messieurs, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était bien branché dans très bien branché dans l'organisation des Saguenayens, qui m'a dit que dans le fond, Alain Deschênes s'est peut-être fait embarquer dans cette histoire-là. Ben le terme embarqué peut-être, mais c'est sûr que. Il a plongé dans un domaine qu'il connaît pas, la tête première. À la suggestion d'autres personnes. Il est embarqué. Quand tu regardes ce dossier-là, là, ça me fait penser à une maison que tu bâtis puis tu mets les premières pierres en dessous, croche. Ben, madame, ta maison, elle va chambranler puis il y a des morceaux qui vont tomber. Ben, t'as commencé ta maison avec deux morceaux croche. D'abord, le processus de la ville, selon moi, en disant, on va sélectionner l'équipe en fonction, le groupe en fonction uniquement de l'argent qu'il nous donne. Ça, c'était croche. Puis deuxièmement, 350 000 piastres, c'était dingue trop. Et là, t'avais deux pierres croches en dessous de ta maison. Puis la maison a passé son temps chambranlé. Ça a été une suite de mauvaises décisions, puis de bad luck, puis ça a fini par tomber. Okay. J'ai hâte de voir, comment ils vont faire, les nouveaux qui sont là, le Marc Denis, puis rempli d'enthousiasme, puis de fierté, comment ils vont faire pour dire au peuple, hey, revenez au centre Vézina, là, c'est nous autres qui est là. Ça marche pas tout à fait comme ça. Ça prend du marketing et surtout une équipe gagnante sur la patinoire. Puis on a beau dire que l'équipe a un bel avenir, ils vont terminer dans le bout de 15e cette année. Ça attire pas du monde, ça. Mais Serge, souviens-toi, le groupe auparavant, il y avait plusieurs personnes. Puis quand tu as plusieurs personnes, tu as plusieurs idées, tu fais des brainstorming, tu fais toutes sortes de choses. Alain était tout seul. Là, tu te ramasses avec trois gars qui vont se dire, c'est quoi qu'on peut faire? Alain était tout seul dans son coin. Il y en avait par-dessus la tête. Il coupait des dépenses. C'est ça. L'ancienne gang, là, qui était 7-8, là, ils en ont fait un succès. On veut-tu s'entendre que c'est pas parce que le succès était sur la glace? Non, mais c'est parce qu'ils ont travaillé chacun à leur façon. Ils n'ont pas souvent. Tu sais, l'équipe n'a pas souvent gagné avec l'ancienne gang, là. Non, ils ont eu quelques bonnes années pour mettre du monde dans le centre Vézina avec Martel. Qui se sont terminés en queue de poisson. Ouais. Oui, mais les bonnes années, Serge, ils ont fait de l'argent, beaucoup, tant mieux pour eux autres. À la fin, évidemment, ça commence à rebaisser. Puis là, ils ont recommencé avec la ville. Puis là, on est sur une remontée. Mais il ne faut pas rêver, puis cette année, c'est encore un an ou deux, là. Ah, Non, c'est pas avant l'année prochaine, puis ça, c'est sûr. Serge, Raymond était à la conférence de presse. Il arrive quoi avec les dettes? 229 000 piastres, bon, c'est des défauts de paiement à la ville, mais il doit avoir d'autres dettes au travers de ça. Il arrive quoi avec ces dettes-là? Ben là, ça, on le sait pas, là, c'est de la gestion interne. Ça, c'est les 229 000, c'est ce que les gestionnaires devaient à la ville. Mais quand les gestionnaires ont pris l'équipe, ils ont signé un chèque de 200 000 $ qui était là au cas où, justement, on a des problèmes financiers et qui nous obligent à disparaître, à s'en aller. Fait que le chèque de 200 000 $ va être encaissé par la ville, si j'ai bien compris. Ce qui fait que, finalement, ce que le gestionnaire doit à la ville, c'est 29 000 $ le maire n'a pas précisé si ce 29 000 $-là va être, s'ils vont chercher à l'avoir absolument. Je sais pas, à mon avis, ça, on va s'arrêter avec le chèque de 200 000 $ on va dire, quand c'est correct, c'est terminé. Au niveau des fournisseurs réguliers, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Tu sais, les nouveaux gars qui embarquent savent même pas si ce sont eux qui sont responsables de ces fournisseurs-là, si c'est la ville. Il y a beaucoup de choses encore qui restent à démêler dans ce dossier-là. Là. C'est vraiment pas évident. Ben, c'est arrivé vite pour les trois gars. La ville, depuis 15 jours, avait rencontré Alain Deschênes, avait rencontré Gilles Courteau. Donc, eux autres savaient ce qui s'en venait. Il s'agissait de convaincre des personnes comme Marc Denis, comme Jean-François Abraham. Richard Letourneau, il est dans le CA de promotion Saguenay. Alors, c'est un proche du maire. Probablement, le maire a confiance en lui, puis c'est un très bon homme d'affaires. Il a sûrement dit, Richard, viens me dépanner ou viens m'aider, puis on peut-tu former un groupe? Puis Richard a pris ça en main, puis il était chercher des Moses de bons hommes. Ben, le maire, il s'en est pas caché, là. Il a dit, gars, j'ai appelé mon ami Richard Letourneau. C'est ça, il l'a dit. Richard, il l'a dit. C'est mon ami Richard Letourneau. Puis moi, Richard Letourneau, j'ai étudié avec. Je le connais très bien. Là. Puis c'est un monsieur qui est droit. Ouais. Là. Puis s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose avec cette situation-là, c'est Richard Letourneau. Jean-François Abraham va s'occuper du côté qu'il connaît le plus avec son père Bob. Ouais. Il va s'occuper de la restauration comme c'était le bébé de Gabi Asselin dans le temps. C'est des gars qui connaissent la restauration. Maintenant, évidemment, c'est bien beau connaître la restauration, vendre des hot dogs, mais il faut qu'il y ait du monde pour en manger. Serge, est-ce que la façon de faire va changer au cours des prochaines années du côté de la ville de Saguenay, d'y aller vraiment en appel d'offres pour gérer le club, ou ça, c'est là pour rester? Ben moi, je pense que, comme disait Serge tout à l'heure, ces trois gars-là qui sont impliqués, ils vont le faire jusqu'à à l'été prochain. Puis après ça, il y a une personne, je me souviens pas laquelle, dans la salle, qui a posé la question en disant, ben oui, mais c'est pas long entre le mois de mai quand ils finissent puis le mois d'août quand ils recommencent. Mais le maire était très clair là-dessus. Il dit, regarde, on servirait de bord d'une semaine pour aujourd'hui, là. Alors, on est capable de servir de bord pour l'été prochain. On verra. Il a pas dit qu'il irait pas en soumission. Mais si on sait lire entre les lignes, il faudra pas travailler ces gars-là pendant 6 mois pour leur dire, puis vous autres, on a pris notre gang. Alors, ça sent que ces gars-là, comme Serge disait tout à l'heure, s'ils sont intéressés à continuer, puis je pense qu'ils vont l'être, parce que Marc Denis a toujours voulu avoir une équipe junior. Il s'était même essayé avec Sorel. Souviens-toi, Serge, il y a un an ou deux ans, avec Gaston Therrien. Mm-hmm. Puis il s'était même impliqué monétairement, mais ça n'avait pas marché avec le transfert, je pense, c'est Charlottetown ou Acadie Batters. Et là, Marc Denis, moi, j'ai toujours pensé qu'il s'impliquerait dans les Saguenayens. Mais là, c'est fait aujourd'hui. Est-ce que c'est temporaire? Pour Marc, c'est un rêve qui se réalise. Messieurs, est-ce que ça... C'est un rêve. Dernière question pour les deux. Est-ce que le fait de virer un virage jeunesse, vraiment jeunesse, là, avec 5-16 ans et ainsi de suite, est-ce que ça a été la bonne chose? Oui. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut que tu recules pour avancer à un moment donné. Les Saguenayens, là... Depuis des années, ils patchent, puis ils patchent, puis ils patchent. Mais à un moment donné, tu te tannes de finir 14e tous les ans, puis 13e tous les ans. À un moment donné, tu prends les mesures qu'il faut. Puis au hockey junior, la seule façon de bâtir ton club, c'est par un bon repêchage. Serge, tu sais. C'est la façon de travailler. Je suis d'accord avec Serge qu'il fallait recommencer. Puis je pense que Yannick Jean sait où il s'en va. Il va faire les transactions qu'il faut faire. Il a pris une mesure avec tout le personnel hockey de dire on s'en va dans telle direction, on changera pas, qu'on finisse 15, 14 ou 16, ça n'a pas d'importance. On va avoir un meilleur choix de repêchage l'année prochaine. J'espère que ça va être Olivier Rodrigue parce que j'en rêve, parce que ce gars de la place, puis ça serait vendeur de billets. Puis en plus de tout ça, c'est que l'avenir s'annonce intéressant. Donc, on ne doit pas changer la ligne de conduite qu'ils ont pris. Ben, mais... Non, parce qu'au moins, tu vois une lumière au bout du tunnel. Effectivement. Ben, messieurs, toujours intéressant de vous réunir. Ça brosse, on vous réunit quand ça brasse. Donc, Serge Gémond, un gros merci. Serge Cloutier, un gros merci. Puis, félicitations pour ton rôle de grand-papa. C'est plaisir. Hey, salut, messieurs. Bonne fin de journée. Serge Gémond du quotidien et Serge Cloutier.